Oula, random émission aléatoire, et voilà, on a le son dans les dans les casques. Oui, oui. Merci. Bon. Ça ira mieux là. Donc, oui, donc voilà, non, désolé. C'est mieux là. Donc, on s'entend parler. Voilà. Donc, bien. Donc, voilà. C'est bon. Ok, donc oui, donc un sujet court sur le SIEA, hein. Il y a monsieur Eric Filliol qui a mis un petit peu les pieds dans le plat, on va en parler. La semaine dernière, on annonçait la sortie d'OpenBSD 4.6, et ben c'est rigolo, il est cassé, et on a le casseur de l'ultra-gauche anarcho-autonome qui va venir nous parler de comment il a fait. Vendredi, c'était le meeting de 1600 Lille, on va en parler vite fait, voilà. Et puis, on va parler d'une coupure d'électricité, et puis voilà. Ensuite, on fera un sujet un petit peu sur un bouquin qui est assez marrant, qui est le livre, donc, La Bataille Adopi, qui a été publié aux éditions Il Libro Veritas, et qui est disponible librement sur Internet, on va en parler. Et puis, on parlera donc un petit peu technique, puisqu'il y en a qui réclament qu'on fasse un petit peu de technique, et qui réclament de la soudure et du code, et bien on va présenter du code tout à l'heure. Et puis dernière chose, on passera à l'agenda. Donc voilà, pour la présentation rapide de ce qu'on va faire pendant une heure. Donc on va peut-être passer donc tout de suite aux actualités. Donc le salon Silk, donc on a mis en place pour l'émission un salon Silk où vous pouvez donc nous poser des questions sur les sujets qu'on traite actuellement. Donc on vous répondra soit sur le salon, soit via la radio. Mais donc déjà, pourquoi on a choisi de mettre un salon Silk plutôt qu'un IRC, un Jabber? Alors la première des choses en fait, c'est que c'est l'émission du groupe Dégénéré Science Lille, et donc en tant que groupe on avait besoin quand même d'avoir une plateforme de discussion en temps réel indépendante et sécurisée. Le choix s'est porté sur une technologie qui est effectivement un petit peu exotique et qui est Silk, donc Secure Internet Live Conferencing, et qui est tout bêtement un IRC mais très très sécurisé avec de la cryptographie, avec la possibilité de chiffrer de signer le moindre de ces messages privés ou les messages publics sur les canaux. Donc le réseau existe depuis l'été 2007, donc ça fait 2 ans avec une coupure due au problème de justice qu'on a eu. Et enfin problème policier, parce qu'il n'y a pas eu de justice en fait, hein, tout bêtement, hein, c'était juste un problème purement gendarmesque. Et donc l'idée c'est que vous disposez donc d'un canal de discussion qui est le canal random. Alors pas de dièse, hein, y a pas de dièse en Silk contrairement à IRC. Donc juste le canal random, et vous avez la possibilité de donner des retours en direct pendant l'émission, et puis également de discuter des émissions pendant la semaine, pendant qu'on n'est pas là, pendant qu'on dort, ou que sais-je encore. Voilà. Ouais, donc en parlant de Silk, il y avait Shundon qui avait laissé un petit message en disant « Eh, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son. » Ben merci, on a remarqué, mais... voilà, et encore désolé pour le petit cafouillage au début d'émission, la pointe de stress qui monte en plus. Bon. Et donc le deuxième sujet, c'était quoi ? Le deuxième sujet, c'était un sujet très rigolo sur le SIEA. Donc le SIEA, École Supérieure d'Informatique, Électronique et Automatisme. Et donc, qu'a fait le SIEA ? Eh bien, ils ont organisé un petit concours sympa qui consistait en fait à voir en combien de temps on peut désactiver un antivirus sous Windows. Et donc voilà, et donc les résultats ont été publiés sous la direction de monsieur Eric Filliol, donc directeur de recherche à l'ESIEA. Il est également chef de labo de virologie informatique à l'ESAT. Donc l'ESAT, c'était en fait l'école supérieure et d'application des transmissions, qui est en fait devenu le TRS, École des Transmissions, ça date du 1er août 2009, hein, l'école a changé de nom. Et donc bref, ce monsieur est un spécialiste en virologie informatique et en cryptographie. Donc une personne qui est au-dessus de tout soupçon, et là il a décidé de taper un grand grand coup en organisant ce concours. Donc le concours consistait tout bêtement à trouver des moyens et surtout à publier des résultats la désactivation automatisée d'antivirus pour Windows. Il y a une conférence qui a donc été présentée par Christophe Devine et Samir Meghanem. Alors le premier de ces deux noms, donc Christophe Devine, c'est pas un inconnu, c'est le développeur d'Aircrack. Donc le fameux logiciel qui implémente un certain nombre d'attaques sur les réseaux Wi-Fi, hein, tout bêtement, donc qui permet de faire peur à Christine Albanel et tout et tout. Et donc voilà, donc les résultats du les résultats du concours ont été publiés. Alors en fait, il a fait une interview c'était sur le journal du net, je crois. L'interview sur 01net, je sais plus, j'ai regardé ça tout à l'heure. Les résultats, donc il y a une citation qui est assez marrante. Les résultats du concours sont inversement proportionnels au budget marketing des éditeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout bêtement qu'en fait, sa démarche consistait à essayer de prouver aux gens que, globalement, les éditeurs d'antivirus ont quand même tendance à, si ce n'est à raconter des bêtises, au moins atténuer la réalité. Il parlait notamment de d'un certain nombre de, enfin, que globalement les éditeurs d'antivirus ils maximisent les attaques qu'ils sont capables de gérer et ils minimisent toutes les autres, donc conclusion, c'est vraiment du marketing de base. Et donc les résultats du concours, on a des chiffres. Il y a un tableau qui a été diffusé, donc McAfee 1 minute 56, donc c'est les temps qu'il aura fallu pour désactiver les antivirus. Donc McAfee 1 minute 56, Norton 4 minutes, Gdata 5 minutes, AVG, donc un antivirus gratuit, 15 minutes, Note 32 33 minutes et Kaspersky 40 minutes. Globalement, en moins d'une heure, on arrive à désactiver les principaux antivirus du marché. Et puis il y a également Dr. Web qui aurait pu être désactivé, mais ça aurait pris plus d'une heure. Donc il est un peu hors concours là-dedans. Donc voilà. En fait, c'était le seul à protéger l'exécution d'une fonction qui permettait d'altérer la mémoire, c'est ça? Un truc comme ça, ouais. J'ai pas, y a pas vraiment de gros détails techniques, juste les slides donc de la présentation qui ont été diffusés. Et il y a pas de. Alors par exemple, en fait, il y a pas de publication de code parce qu'en France c'est interdit. C'est légal en Belgique à 15 km d'ici, mais c'est illégal en France, donc on n'a pas le droit. Donc ils le font pas. Voilà. Donc la news d'après, c'était la faille trouvée dans les OpenBSD 3.9 jusqu'à 4.3. 4.6, mais c'est exploitable c'est exploitable localement pour gagner les privilèges route jusqu'à 4.3. Ok, donc on en reparlera un peu plus précisément tout à l'heure, et notamment de la technique utilisée pour trouver la faille. Voilà. Donc sinon, vendredi, il y avait les meetings 2600. Où on a beaucoup parlé d'électronique et de contrôle de prise télécommandée via ordinateur on a eu une petite démonstration d'un projet électronique de la part de l'un des participants qui nous a expliqué comment il avait fait pour retrouver le fonctionnement du signal, développer tout un logiciel et refaire toute une partie électronique pour gérer ça. Dans les autres sujets qu'on avait traités au niveau du meeting Dans les autres sujets qu'on a traités du meeting, on a encore parlé de politique, on a parlé de la loi Hadopi, on a parlé de quoi ? On a parlé de Wikipédia. On a parlé de Wikipédia et de pédophilie. On a parlé de quoi d'autre? Bon, c'était à peu près tout. C'était un meeting assez sympa, très technique. On n'était pas beaucoup, par contre. On était 8, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et donc, le prochain meeting, ce sera donc le vendredi 4, je crois. Le vendredi 4 décembre, le premier vendredi de chaque mois. Donc, vendredi 4 décembre, et vous avez tous les renseignements sur www.2600lille.org. Donc sinon, l'une des autres news, c'était le groupe des opérateurs de réseau français, le Fernog, qui s'inquiète un peu de l'arrivée de l'hiver. La France a une certaine capacité à importer de l'électricité. Et avec un tiers des centrales nucléaires arrêtées, on se rend compte que on va devoir importer beaucoup plus d'électricité. Tous les responsables de data centers qui commencent un peu à s'inquiéter du fait que il risque d'y avoir peut-être des coupures d'électricité, donc qu'il va falloir tester les groupes électrogènes et Et donc là, on repense un peu à ce qui s'était passé à Redbus en 2006, où les groupes électrogènes n'ont pas fonctionné, les onduleurs non plus, les groupes électrogènes de secours et les onduleurs de secours non plus. Donc voilà, donc là, il y a un peu d'inquiétude. D'où l'importance de toujours anticiper ce qui peut arriver, que ce soit des failles de sécurité ou des pannes tout court. Voilà. En parlant de pannes et de failles, il y a eu récemment une nouvelle version d'un système d'exploitation qui est sorti, Windows 7. Quoi, c'est quoi ça? Je connais pas. et dès sa sortie, à peine sortie, déjà une faille. Donc voilà. Et toujours à propos de Windows 7, donc il y a une campagne qui a été lancée par la Free Software Foundation à propos des 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux de Windows 7, donc là je peux pas trop en dire non plus parce que Random est une émission tellement aléatoire que j'ai pas eu le temps de compulser ce dossier. Mais globalement, il y a une contre-campagne publicitaire, donc anti-Windows 7. Donc sur le thème des 7 péchés capitaux de Windows 7 qui a été lancé par la Free Software Foundation, relayé par la Free Software Foundation France. Vous pouvez retrouver en fait, je pense, en passant par le site de la Free Software Foundation, donc FSFE, c'est la Free Software Foundation Europe, fsfe.org, www.fsfe.org. Donc la dernière news, bon c'est pas vraiment une news, mais c'est des choses qui sont apparues un peu dans les journaux, les logs du serveur web de l'émission, des reverse invalides en fait. On s'est rendu compte qu'il y avait un fournisseur d'accès qui n'avait pas tout à fait configuré ses reverse DNS, et donc il s'appelle Completel, et on a fait une petite stat de voir sur les plages d'IP de Completel quelle était la proportion globalement de reverse DNS mal configuré qui respectait pas les RFC, et en fait il y a à peu près sur une plage de 8900 IP, on a trouvé 834 IP mal configurés. En tout, il y avait 65,9% de toutes les IP qui étaient mal configurées. Donc avant de passer, il y a nous ce qu'on a oublié aussi, c'était la publication par beaucoup d'acteurs sur la loi Adopi d'un livre qui s'appelle La bataille Adopi. Un livre qui retrace un peu les enjeux, ce qu'ont fait certains acteurs. Les propositions qui ont été faites. Les analyses, etc. On va en reparler juste après, je pense, une pause musicale. Ouais. Donc vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM. Et donc vous pouvez nous appeler pendant les pauses au 03 20 91 24 00. Ou vous pouvez nous joindre donc, sur le salon Silk. Le canal Random. Voilà. Oui, j'ai oublié de donner l'adresse forcément. www.dgtc.org/silk pour avoir tous les renseignements là-dessus. Et puis, silk.dg-c.org, canal Random. Bon, à tout de suite. Donc voilà, donc c'était là Nestification de Windpearl. Et on a écouté, donc avant, c'était une autre musique donc dont je retrouvais. C'était Pornophonique, le groupe c'est Pornophonique, ah, et oui, la chanson c'était I Wanna Be a Machine. Et donc Pornophonique, groupe libre, allemand, qui fait la musique à base de Game Boy. Et de guitare sèche aussi. Et de guitare sèche. C'est ce que ça veut dire. Et Windpearl aussi, un groupe de chiptunes qui fait de la musique à partir de samples de consoles et d'anciens ordinateurs. Donc voilà. Donc là, on va passer au sujet d'actualité approfondie. Donc le livre qui a été publié par de nombreux acteurs d'Adopi, qui s'appelle La bataille Adopi. Donc voilà. Qui a été publié le 29 octobre dernier aux éditions In Libro Veritas. Donc les éditions In Libro Veritas, en fait, c'est une entreprise un peu particulière, puisque les livres qui sont publiés chez In Libro Veritas sont disponibles gratuitement sous forme de PDF ou de e-pub. C'est un format libre équivalent au PDF pour la publication d'œuvres littéraires. Et donc on peut acheter le livre sous sa forme papier, donc avec différentes possibilités de taille, de qualité de papier recyclé. Oui, c'est un peu comme les Pokémon, ils ont vendu une édition or, une édition argent et une édition bronze. Non, ça c'est juste pour le livre. Oui, c'est juste pour celui-là, pour la bataille. Mais c'est surtout symbolique, parce que y a des éditions qui en fait où il y a plus de bénéfices qui est reversé à la Quadrature, parce qu'en fait tous les bénéfices de ce livre sont reversés à la Quadrature. Oh, pour payer les vacances. Donc, voilà. Donc tu peux nous en dire un peu plus sur le. Ouais, tout à fait. Donc premièrement, oui. Donc oui. Alors je résiste pas à l'envie de vous lire un petit peu le début du quatrième de couverture, donc qui commence comme ça. La bataille Adopi dessine les prémices d'une guerre qui ne fait que commencer. La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet est devenue plus que l'acronyme d'une propagande, c'est désormais un symbole, le symbole d'une entreprise de contrôle des techniques et des usages d'Internet. Donc ça pose un petit peu le style de la réflexion. Donc le livre, en fait, comme tu l'as dit, est disponible sur Internet, www.inlibroveritas.net/la-bataille-adopi.html. Donc inlibroveritas.net tout court, et puis vous trouverez facilement le lien. Il est publié sous licence Creative Commons by SA, donc ce qui signifie qu'on est obligé de signer la paternité, mais qu'on a le droit de le republier, enfin de le rediffuser, mais sous share alike, c'est-à-dire avec une licence équivalente ou la même licence, et d'en faire la notice explicite. Et puis il est publié également donc sous licence art libre. Donc la licence art libre, c'est à peu près l'équivalent de la licence Creative Commons CC BY SA, en fait. Parce que on peut en faire des œuvres dérivées, il faut juste citer l'auteur, en fait. D'accord, donc, voilà. Donc le livre est dédié à la mémoire de Francis Muguet, donc, qui est malheureusement décédé le 14 octobre dernier, soit quelques jours à peine avant la sortie du livre. Donc Francis Muguet, c'était le père de la notion de mécénat global, donc une notion qui est un tout petit peu différente, un concept qui est un petit peu différent du concept de contribution créative, hein, dont on a pas mal parlé depuis la loi d'Adzi et puis encore par la loi de Pinos. Bon, entre le mécénat global et la contribution créative, globalement la contribution créative c'est... Ouais, ça dépend, parce qu'il y en a une dont on a parlé dans Datsy qui n'est pas la même que celle dont on parle actuellement. Mais globalement, on pensait à obliger à faire une taxe sur les accès Internet, où ça serait redistribué en fait de façon en fonction de la consommation du morceau aux auteurs, en fait. Donc un peu comme des organismes de répartition classiques où en discothèque, plus on passe un morceau, plus il touchera de droit sa SEM. Donc là, c'était un peu la même chose. Et donc, en fait, le mécénat global, il y a véritablement... D'abord, c'est facultatif, et ça serait le choix de donner de l'argent à un artiste ou à un autre. Donc il y aurait vraiment en fait, les internautes seraient vraiment actifs dans leur démarche, en fait. D'accord. Et donc, à la mémoire de Francis Muguet, donc père de la notion de, enfin, du concept de mécénat global, qui a été soutenu par Richard Stallman lui-même. Donc Richard Stallman, père de la notion de logiciel libre, initiateur du projet GNU, de la licence GPL, de la Free Software Foundation. Donc c'est pas le tout venant, même si on n'est pas forcément d'accord avec lui. Et donc voilà. Et donc en fait, dans ce livre, c'est un recueil en fait de textes organisés selon certaines thématiques. Donc je vais brosser un petit peu le portrait d'un certain nombre d'auteurs de ce livre que vous pouvez retrouver sur internet gratuitement et de manière libre. Donc on retrouve des gens comme Benoît Cibot, qui est l'actuel président de l'April. On retrouve également Jérémy Zimmermann, qui est l'un des deux cofondateurs du collectif La Quadrature du Net. On retrouve également Philippe Langlois, qui est une des figures du Templab de Vitry-sur-Seine, dont on a un petit peu parlé lors de l'émission précédente. On retrouve Jacques Attali, qu'on ne présente plus. Il est partout. Il est partout, à droite et à gauche. Donc il a publié un texte dedans qui s'appelle « Quand la propriété devient le viol ». C'est assez rigolo, ça, comme titre. Alors ensuite, on retrouve des gens, des politiques en fait, qui se sont pas mal impliqués dans le mouvement anti-Adopi, dans le mouvement institutionnel anti-Adopi. On retrouve des gens comme Monsieur Brard. Donc Brard, c'est un député donc apparenté PC, donc qui fait partie du groupe SRC, qui a vraiment absolument tous les amendements. Il a vraiment fait des critiques constructives. Il était vraiment vraiment très très actif sur le projet de loi. Bon, et puis on m'a demandé de pas dire de mal des politiques que je vais citer, donc je dirais même pas de mal d'un communiste. On a également Madame Billard. Oui, donc Madame Billard, qui était chez Les Verts, qui est partie dans un parti de gauche. Je ne sais pas lequel. Il y a tellement de partis. Donc voilà, elle aussi, donc c'est une ancienne libraire qui connaît très bien les logiciels libres, qui connaît très bien la propriété intellectuelle, vu qu'elle a dû gérer des tas de livres, elle a dû se documenter sur des tas de choses. Donc voilà. On a également Monsieur Dupont-Aignan, donc qui lui se définit plutôt comme gaulliste. Donc il a fondé le mouvement Debout la République. Donc c'est marrant de voir qu'en fait, Adopi, il n'y a pas vraiment de clivage gauche-droite. Hein. On retrouve des personnes de l'UMP, des gaullistes, des centristes, des personnes de gauche, des militants autonomes. Donc voilà, c'est vraiment, ça fait l'unanimité. Donc, l'unanimité contre. L'unanimité contre, oui, tout à fait. Oui. Et Monsieur Bloch. Et donc Bloch est un député PS en fait, voilà. Qui aussi avait été très actif sur DATSI et qu'on a retrouvé aussi très très actif sur Adopi, à apporter des amendements constructifs qui malheureusement n'ont pas été, comme les amendements de ses collègues, n'ont pas été retenus. Et oui. Et Monsieur Cohn-Bendit, pas trop la peine qu'on présente Monsieur Cohn-Bendit, il a fait quoi sur les logiciels? Alors sur Adopi... Et sur les logiciels libres, en fait, c'est pas trop au niveau français qu'il y a eu des choses qui se sont passées. De toute façon, Cohn-Bendit est de nationalité allemande, donc au niveau... il peut pas faire grand-chose au niveau législatif. Voilà. Donc c'est au niveau du paquet télécom et des brevets logiciels. Il a été... Enfin, le mouvement vert, surtout, le groupe vert, Greens, a été très actif sur le paquet télécom. Donc l'un des groupes les plus actifs au niveau de la défense de la neutralité du net et de tout ce qui est vie privée. Donc, et donc sur les brevets logiciels, c'est en grosse partie parce que le groupe vert en fait s'est pas mal investi sur les brevets logiciels qui étaient assez proches des brevets OGM au niveau philosophique. Alors ensuite, il y a également deux textes assez intéressants. Donc, sur, de toute façon, la présentation du concept de mécénat global en deux parties. Une partie est signée Francis Muguet, donc malheureusement décédé. Et puis l'autre partie est signée Richard Stallman. Donc, j'ai présenté ces deux personnes tout à l'heure. Alors, il n'y a pas que des gens sérieux hein, dans ce truc-là. On trouve également Francis Lalanne, qui a publié un texte assez... Alors là c'est un jugement. Quoi, j'ai pas le droit de juger Francis Lalanne ? Si c'est sur le contenu musical, il ne faut pas... D'accord, donc Random, l'émission qui passera du Francis Lalanne, puisque son dernier album va être publié sous licence libre. J'ai pas non plus dit ça. Hein. Le gueux, le marchand et le prévôt du roi. C'est le titre du texte de Francis Lalanne, tout un programme. On retrouve également donc un texte signé donc de la Ligue au débit. Donc la Ligue au débit, c'est ceux qui appelaient globalement à ce qu'on aille un petit peu ennuyer les fans d'artistes, enfin les fans et amateurs d'artistes qui avaient soutenu la loi Hadopi. On trouve également des journalistes type Guillaume Champeau, donc de Numérama, Marc Ries de PC Impact, qui ont beaucoup relayé les informations au jour le jour du grand feuilleton Hadopi qui a duré tout ce temps-là et qu'on retrouve vraiment qui ont suivi au jour le jour et au quotidien le grand feuilleton Hadopi. Je retrouve également donc on va le citer quand même Monsieur Maxime Rouquet. 23 ans, candidat aux législatives partielles des Yvelines pour le Parti Pirate. Et accrochez-vous, il a fait quand même 2,08%, ce qui est le premier résultat électoral, il me semble, de toute l'histoire du Parti Pirate français. Oui, en fait, il n'y a pas eu de candidature depuis la création, qui remonte à assez longtemps. Et voilà, donc c'était la première participation à un scrutin. Sachant que... comme ça coûte assez cher de se présenter, et c'est pas sûr qu'il y ait d'autres candidatures du Parti Pirate. Parce que ça, à mon avis, ils ont dû être déficitaires sur ce scrutin-là. Voilà, donc on en a fini à propos de la bataille Hadopi. Donc vous pouvez retrouver sur www.inlibroveritas.net ce livre en téléchargement. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui font ça, d'ailleurs. La Fabrique avait a mis plusieurs de ses livres également. Il y a notamment L'insurrection qui vient, mais bon, en téléchargement gratuit sur lafabrique.net. Mais, Et il y a de plus en plus de personnes, de sociétés, de politiques qui publient leurs livres sous licence libre, notamment Dupont-Aignan, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait parlé un peu dans son livre... De politique globalement, et qui avait publié chez In Libro Veritas son petit livre mauve, en fait. Et donc il commence à y avoir un peu... Ouais, Corinne Lepage. Ouais. Et que ce soit, par exemple, des associations comme l'April ont aussi publié des livres, un livre blanc sur le logiciel libre. Il y a eu des sociétés qui ont publié des livres sur des choses comme le cloud computing, des études. Ça commence à devenir une pratique qui se généralise peu à peu. Sans parler en plus d'un certain nombre d'auteurs, de jeunes auteurs qui publient directement sur Internet. Parce que de toute façon, ils ne sont pas publiés par les éditeurs classiques. Parce qu'il faut faire un compte d'auteur, parce qu'il faut prévoir un certain tirage et que... les auteurs n'ont pas les moyens de faire des grosses séries sans être sûr de les écouler. Voilà, donc je pense un petit peu de musique. Oui, on va passer un petit peu de musique et vous retrouver tout de suite après. Donc, vous pouvez nous appeler, comme toujours, donc, au 0320 91 24 00. Et donc vous êtes toujours sur Radio Campus, 106,6 FM. Et stéréo. We'll be right back. Donc voilà, c'était Umpa Negala, donc de la OpenBSD Team. Et donc juste avant, c'était donc H10P de Biffenson, de l'album 8K. Bon, j'ai un peu du mal à prononcer l'album, parce que les noms sont un peu bizarres. Donc pour revenir à Umpa Negala, donc en fait, c'est la chanson qui est sortie sur le CD d'installation de OpenBSD 4.0. C'est une chanson qui est pas mal utilisée lors des hacking parties OpenBSD, qui a l'air d'être assez assez populaire. Et c'est une chanson en style Oompa en fait, et c'est un hommage en fait à ce style de musique là qui est particulièrement prisé des développeurs d'OpenBSD. Et donc, en parlant d'OpenBSD... T'as un correctif à faire avant. Oui, oui, donc le Philippe Langlois de tout à l'heure n'est pas le Philippe Langlois du Hacklab, nous dit un auditeur. Merci à l'auditeur qui écoute la radio quand même. En parlant des auditeurs, on a eu pas mal de remarques sur Francis Lalanne, donc ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va passer du Francis Lalanne. Enfin, dans deux semaines. Deux semaines. Si on en trouve. Donc voilà, on va un peu parler là donc des OpenBSD et de la faille qui a été trouvée là. Nous recevons en fait sur notre superbe plateau de notre superbe radio Monsieur Clément Le Cygne, qui a donc fait des trucs rigolos récemment avec avec du OpenBSD. Donc Monsieur, présente-toi et puis qu'est-ce que tu nous as fait ? Bonjour à tous, moi c'est Clément Le Cygne, comme vient de dire Maxime, et je suis étudiant en école d'ingénieur en informatique. Et alors pour la faille, l'histoire remonte en 2006 où j'ai effectué un Google Summer of Code pour FreeBSD, et notamment au niveau de la sécurité de la pile IPv6. Et durant ce Google Summer of Code, j'ai développé pas mal d'outils, notamment pas mal de fuzzers qui ont pour but de fuzzer localement la pile IPv6 du noyau. Et donc cet été, j'ai décidé de reprendre ces fuzzers et de les améliorer. Et j'ai aussi décidé de les lancer contre OpenBSD. Et avec un peu de chance, j'ai réussi à trouver la faille que j'ai dévoilée il y a deux semaines. D'accord, ça date de cet été en fait ? Ça date de cet été. Cet été, je l'ai trouvé fin août. J'ai réussi à comprendre d'où venait le crash que j'avais début septembre. Ensuite, j'ai développé un exploit pour prouver la faisabilité de l'exploitation, qui d'ailleurs n'est possible qu'en version inférieure à la 4.3 incluse. Donc de 3.9 à 4.3, malgré que le bug reste présent jusqu'à 4.6. En fait, le bug, il est présent jusqu'à celle qui est sortie il n'y a pas longtemps, là, il y a une semaine, je pense, officiellement. Enfin, les CD, ils ont été... Le 18 octobre. Ok, ouais, ça fait un peu plus. Donc, faut savoir qu'en 4.6, mon exploit, il provoque un kernel panique qui fait crasher la machine. Mmh. Et il peut être lancé par un utilisateur local sans aucun droit. Et on parle beaucoup de termes de fuzz, mais ouais. Concrètement, pour les auditeurs qui ne se connaissent pas trop en technique, le fuzz, ça correspond à quoi ? Alors, grosso modo, l'idée, c'est d'envoyer des données semi-valides à un programme. En l'occurrence, ici, c'était le noyau. Et donc, il faut que ces données elles soient semi-valides parce que il faut qu'elles soient assez valides pour qu'elles passent dans les entrailles du noyau. Et il faut qu'elles soient assez aléatoires pour pouvoir déclencher des comportements normaux. Donc, c'est une technique automatique. Voilà, c'est en gros mon programme. Ce qu'il faisait, c'est qu'il générait plein de sockets. Et il appelait avec ces sockets différents appels système. En l'occurrence, ici, c'était le getSockOpt pour récupérer les options qui ont été placées sur une socket qui déclenchait la vulnérabilité. Et donc, ce getSockOpt, je lui donnais 50% d'arguments bidons et 50% d'arguments valides pour que ça passe dans les entrailles du noyau, comme je viens de dire tout à l'heure. Mais il y a aussi d'autres fuzzers qui prennent en entrée, par exemple, des documents PDF qui... change quelques octets dedans et qu'il l'envoie à un lecteur PDF jusqu'à temps qu'il plante. Ça, c'est l'autre type de fuzzers qui sont plus connus du monde de type la sécurité. Type fusil ou autre chose ? Ouais, voilà, fusil de Victor Steiner, très connu. Donc toi, globalement, tu as développé. Donc tu travaillais sur le Google Summer of Code pour FreeBSD. Voilà, en 2006. Pour les besoins en fait de ton travail sur le code réseau de FreeBSD, tu dois développer donc un logiciel qui va vérifier un certain nombre d'implications. Au départ, voilà, pour chercher uniquement des bugs et pas forcément pour de la sécurité. Voilà, fallait que je trouve le maximum de bugs et pas forcément de sécurité, donc. Voilà, et puis en fait, un jour tu décides de le ressortir, mais de réutiliser ton programme tel quel. Voilà. Mais en changeant de système. J'ai changé aussi un tout petit peu le programme. Pour l'adapter et qui marche. Pour l'adapter et qui marche. Et oui, j'ai changé de système, j'ai décidé de lancer sur OpenBSD sans grande conviction, puisque OpenBSD normalement se dit très secure. Et donc au bout de 2 minutes, mon noyau avait crashé avec un beau backtrace me disant que ça avait planté lors du get socopt que je venais de faire. Donc voilà, donc en fait tu tombes dessus, tu testes comme ça simplement comme ça juste pour voir, et puis tu te retrouves avec un bug dans le noyau d'OpenBSD. Ouais, voilà. Tu détectes qu'il y a les implications de sécurité derrière. Ouais. Tu cherches d'abord en fait à exploiter donc dans ton coin. Donc jusque là en fait t'en parles à personne, ou alors à très peu de personnes, juste pour avoir des... Très peu de personnes, ouais, j'en ai pas parlé à beaucoup de personnes. Je préférais attendre, être sûr que ça soit vraiment un bug de sécurité assez important. D'accord. Ouais. Et puis dans la suite, donc tu développes derrière ton programme à toi qui te permet de démontrer que l'implication en termes de sécurité est réelle. Ouais. On appelle ça un exploit. Voilà. Tout bêtement. Et puis derrière, tu contactes les développeurs d'OpenBSD. Ça s'est passé comment ? J'ai contacté Théodorat un mardi soir à 19h. Et dans les 5 minutes qui suivent, j'ai eu un mail de Théodorat me disant félicitations. Et dans les 15 minutes d'après, il y a eu le commit sur OpenBSD current. D'accord. Donc il faut noter que OpenBSD c'est très réactif comparé notamment à FreeBSD, parce que j'ai déjà eu affaire au même genre de situation avec FreeBSD, et là c'est un peu plus long, il faut expliquer, il faut leur montrer, il faut leur prouver, il faut leur proposer des patchs qui sont propres et tout ça. Tandis qu'à Théodorat, je lui ai filé un patch, il l'a appliqué dans les 15 minutes qui arrivaient, et le lendemain OpenBSD 4.6, 4.5, 4.4 étaient patchés avec le patch. D'accord, et puis avec une, avec news, une annonce. Ouais. Avec une annonce, et puis une news sur Undeadly également. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie un petit peu... administratif. Un petit peu, voilà, administratif des choses. Et donc sur également comment ça se passe dans le milieu du logiciel libre, quand il y a des implications de sécurité, des failles, des bugs, des choses comme ça. Maintenant en fait, au niveau du processus de publication, parce que c'est très très compliqué en France. Ouais. Alors j'ai vu en fait que tu as publié sur ton blog un exploit, et avec deux articles en plus, une version anglaise et une version française. Quel est ton point de vue en fait sur globalement, enfin voilà, ouais, sur comment, dans quelles conditions est-ce que tu peux, tu juges pouvoir publier ou pas un exploit? Bah en fait, là, quand j'ai envoyé mon mail à Théodorat avec l'exploit, j'ai attendu qu'ils me répondent et qu'ils fassent l'annonce officielle qu'un fixe a été développé. Et j'ai attendu environ, je dirais, 3 jours avant de décider de publier mon exploit. Et sachant que mon exploit, il est vraiment, entre guillemets, exploitable sur les machines OpenBSD inférieures à la 4.3 incluse, j'ai décidé de publier cet exploit. Si jamais l'exploit a été exploitable pour gagner les privilèges root en 4.6, j'aurais attendu un peu plus longtemps, je pense. D'accord. Et au niveau de l'implication politique. Non, au niveau de, enfin, oui, voilà, de comment dire, de la justice, de la police, etc. Est-ce que tu crains pas des remontrances? Non, je pense pas. Je suis pas le seul à publier des exploits. Je côtoie des personnes qui publient des exploits plus fréquemment que moi, et qui sont tranquilles, et ils publient même des exploits plus importants qui impactent plus de personnes et plus de monde. D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ces personnes qui justement publie des exploits et le publie voilà des exploits de manière relativement libre et puis d'autres personnes qui peuvent éventuellement ressentir une certaine peur ou une certaine appréhension vis-à-vis de ce type de logiciel. C'est quoi ? C'est le sérieux de ta démarche ? C'est le fait que voilà, c'était OpenBSD, il y a eu une réponse ? Ouais, que ça soit OpenBSD, ça joue aussi dans ma publication. Ça aurait été Windows ou autre, j'aurais plus eu plus d'hésitation pour publier l'exploit. Parce que là, tu l'as publié de manière très indépendante. Ouais. Vraiment dans ton coin. Ouais, mais Théo savait que j'allais publier mon exploit dès qu'il l'aurait... D'accord, c'est-à-dire que Théo, en fait, a accepté d'entrée de jeu les règles du jeu. Ouais, voilà, ouais. Je lui ai envoyé mon exploit, je lui ai dit que voilà le patch, voilà l'exploit. Je lui ai dit que je comptais le publier incessamment sous peu. D'accord. Je pense qu'on peut passer peut-être un peu à l'agenda maintenant. On n'a pas cité l'adresse de ton blog. Ah, vulndev.blogspot.com. Voilà, vulndev.blogspot.com. Voilà, mais de toute façon, on retrouvera tout ce qui a été cité, donc le livre La bataille Adopi, l'adresse de ton blog, on retrouvera tout sur lille.dgsc.org/random, qui est l'adresse de l'émission, et donc il y aura tous les détails. On n'a pas encore publié toutes les données de l'émission d'avant, mais on va tout faire ce soir. Voilà. Donc on va passer maintenant à l'agenda. Donc il y a... dans les événements à venir, il y a donc la conférence de mardi prochain, mardi 10. Il y a donc Stinux qui va faire une conférence sur OpenBSD 4.6. Donc c'est la conférence s'appelle découverte d'OpenBSD 4.6. Je crois que c'est le titre de la présentation. Donc bah, tant qu'on est à parler d'OpenBSD, on va voir exactement. Il y aura un atelier, donc on verra un petit peu les généralités, l'historique du système, etc. Et puis il y aura un petit atelier sur l'installation pour voir et puis voir comment on s'épatouille les premiers pas dans OpenBSD. Mais c'est bon avec les partitions maintenant. On n'a plus besoin de bidouiller. C'est plus simple. Ouais, c'est plus simple avec l'autopartitionnaire, sauf que C'est toujours écran noir avec texte en blanc. Et puis tout en anglais. Ouais, aussi. Ouais. Et puis tout en anglais, mais il y a peut-être des chances que ça change dans l'avenir, on verra. Ok. Donc le lendemain, il y a deux événements en fait. Le mercredi 11, il y a d'abord ici sur le campus de l'université, pas loin de Radio Campus, il y a une réunion qui va se dérouler certainement entre 19h et 21h pour la recréation de Campus, qui était un log étudiant de la fac. Qui s'est transformé, qui est devenu Stinux, et donc Stinux qui s'est un peu développé plus sur la métropole, plus que sur le campus. Donc il y aura donc une réunion, là le mieux c'est de venir se renseigner sur le salon de discussion sur Silk, pour avoir à peu près l'endroit où ça va se passer et l'horaire. Normalement ça sera dans l'un des bâtiments, dans l'une des résidences étudiantes de 19h à 21h, mais... Voilà, c'est pas tout à fait fait, donc... Tout à fait fixé, c'est un peu à l'arrache. Et donc, c'est un appel à toutes les personnes qui sont dans le milieu étudiant, qui peuvent éventuellement enseignants ou des personnes qui travaillent sur la fac, ou qui travaillent en milieu universitaire, que ce soit, on n'est pas sectaire, à Lille 1, Lille 2, Lille 3, et qui sont intéressés par la recréation d'une association de logiciels libres sur la fac. Et donc le même jour, il y aura donc à l'Hybride qui est un café, un cinéma café et qui fait aussi parfois des expositions d'œuvres plastiques. Donc il y a un atelier mix vidéo. Bon, donc le mix, c'est pas tout à fait, ça fait pas tout à fait partie de la culture hacker, mais c'est pas loin puisqu'il y a la même recherche de bidouille à partir de samples vidéo ou audio. De détournement de vidéos, donc ça reste assez proche. Donc il y a un atelier de mix vidéo qui est animé par Émilie, une widget parisienne, et donc ça se passe donc à 10h le mercredi 11 novembre, donc voilà, et donc c'est gratuit, il faut juste s'inscrire. Voilà. Et donc il y a sinon le lundi, donc de la semaine d'après, le lundi 16, il y a le lundi des libertés numériques qui est organisé par CLX, qui est un autre groupe d'utilisateurs de logiciels libres donc sur la région Nord-Pas-de-Calais. Donc voilà, donc où il y aura des discussions autour des libertés numériques. Et on retrouve bien sûr dans 15 jours, donc on retrouve la mission donc random. Dans 15 jours, du coup on n'a pas la date parce qu'on. Donc ça sera le 22 en fait. Le dimanche 22 novembre. Mais de toute façon, vous retrouverez les horaires de l'émission, donc toujours sur le site lille.adg-sc.org/random. Et puis les enregistrements de l'émission, et puis les playlists à venir. Et puis le prochain Meeting 2600, on en a parlé tout à l'heure, ça sera le vendredi 4 décembre, oui, à 19h30, Grand Place de Lille, www.2600lille.org, pour toute autre information. Voilà. Bon, bah, à la prochaine. Ouais, c'est l'heure de se quitter, bonne semaine à vous, au revoir.